Après avoir en vain réclamé justice au roi Don Fernand, Chimène se voit conseillée par le roi lui-même d'épouser Rodrigue, sorti victorieux de son duel avec Don Sanche, un de ses soupirants qui s'était proposé pour la venger. Rodrigue paraît alors.